Exercice 6. Dans l'association Art et Sport, il y a un danseur et une danseuse hip-hop. Un dessinateur et une dessinatrice de BD. 2. Un musicien et une musicienne de jazz. 3. Un champion et une championne de tennis. 4. Un chanteur et une chanteuse d'opéra. 5. Un joueur et une joueuse de badminton. 6. Un sportif et une sportive de haut niveau. 7. Un coureur et une coureuse de marathon.